Psaume 100. Psaume d'action de grâce. Vous tous, habitants de la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec allégresse, venez devant lui avec un chant de joie. Connaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a faits, et ce n'est pas nous qui nous sommes faits, nous sommes son peuple, et le troupeau de sa pâture. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, et dans ses parvis, avec des louanges, célébrez-la, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours, et sa fidélité d'âge en âge.